Gustave Flaubert, Georges Sand. Correspondance. En direct du studio 118 de la Maison de la Radio. Adaptation, Hélène Bleskin. Quatrième épisode. L'année 1871. C'est le temps de la guerre avec la Prusse, la défaite de Sedan, l'occupation prussienne, l'armistice. Puis, en réaction à la capitulation et au nouveau gouvernement d'Adolphe Thiers, l'insurrection de Paris, la Commune. Nohant, 4 février 1871. Tu ne reçois donc pas mes lettres ? Écris-moi, je t'en prie, un seul mot, je me porte bien. Nous sommes si inquiets, nous t'embrassons. Neuville près de Dieppe, mercredi 15 février 1871. Cher maître, je reçois votre lettre du 4 à l'instant. Je n'en ai pas reçu d'autre. Celle-ci vous parviendra-t-elle ? J'en doute. Je vis encore, mais je n'en vaux pas mieux. Cependant, je n'ai aucun malheur personnel à déplorer. Mille tendresses pour vous et les vôtres, le vieux troubadour. Nohant, 22 février 1871. J'ai reçu ta lettre du 15 ce matin. Quelle épine cruelle elle m'ôte du cœur. On devient fou d'inquiétude à présent quand on ne reçoit pas de réponse. J'ai eu aussi la chance de ne perdre aucun de mes amis, jeunes et vieux. Voilà tout ce qu'on peut se dire de bon. Je ne regrette pas cette république-ci. Elle a été la plus ratée de toutes, la plus malheureuse à Paris, la plus inepte en province. D'ailleurs, je l'aurais aimé que je ne regretterais rien, pourvu que cette horrible guerre finisse. Je ne me hâterai pas d'aller à Paris, il est pestilentiel pour quelque temps encore. À toi. Dieppe, 11 mars 1871. Cher maître, quand se reverra-t-on ? Je ne vous dirai pas tout ce que j'ai souffert depuis le mois de septembre. Comment n'en suis-je pas crevé ? Voilà ce qui m'étonne. Personne n'a été plus désespéré que moi. Je ne me croyais pas progressiste et humanitaire, cependant. N'importe, j'avais des illusions. Quelle reculade ! Le fiel m'étouffe. Ces officiers qui cassent des glaces en gants blancs, qui savent le sanskrit et qui se ruent sur le champagne, qui vous volent votre montre et vous envoient ensuite leur carte de visite. Cette guerre pour de l'argent, ces civilisés sauvages me font plus horreur que les cannibales. Et tout le monde veut les imiter, va être soldat. Toute l'Europe portera l'uniforme. Si nous prenons notre revanche, elle sera ultra féroce. Et notez qu'on ne va penser qu'à cela, à se venger de l'Allemagne. Je caresse le rêve suivant, aller vivre au soleil dans un pays tranquille. J'ai actuellement accroissé 40 Prussiens. Dès que mon pauvre logis que j'ai en horreur maintenant sera vidé et nettoyé, j'y retournerai, puis j'irai sans doute à Paris, malgré son insalubrité. Amitié aux vôtres et tout à vous. Votre vieux troubadour, Gustave Peuguet. Nohant, 17 mars 1871. J'ai reçu hier ta lettre du 11. Nous avons souffert par l'esprit, plus qu'en aucun autre temps de notre vie, et nous souffrirons toujours de cette blessure. Il est évident que l'instinct sauvage tente à prendre le dessus, mais j'en crains un pire, c'est l'instinct égoïste et lâche. C'est l'ignoble corruption des faux patriotes, des ultra-républicains qui crient à la vengeance et qui se cachent. Bon prétexte pour les bourgeois qui veulent une forte réaction. Aller vivre au soleil dans un pays tranquille ? Où ? Quel pays va être tranquille dans cette lutte de la barbarie contre la civilisation ? Lutte qui va devenir universelle. J'ai écrit jour par jour mes réflexions durant la crise. La revue des deux mondes publie ce journal. Si tu le lis, tu verras que partout la vie a été déchirée, à fond, même dans les pays où la guerre n'a pas pénétré. Tu verras aussi que je n'ai pas gobé, quoique très gobeuse, la blague des partis. Les abus de liberté ne me font pas peur par eux-mêmes, mais ceux qu'ils effraient penchent toujours vers les abus de pouvoir. Quoi qu'il arrive, aimons-nous. et ne me laisse pas ignorer rien de ce qui te concerne. Viens donc chez nous, on y est tranquille. Tous nos enfants sont revenus de la guerre sains et saufs. Paris se calmera pendant ce temps-là. Je t'embrasse mille fois, pour moi et toute ma nichée. Neuville, près de Dieppe, vendredi 31 mars, en réponse à la vôtre du 17 mars. Cher maître, demain, enfin, je me résigne à rentrer dans Croisset. C'est dur. Je vais tâcher de reprendre mon pauvre Saint-Antoine et d'oublier la France. Il y a 15 jours, je suis parti d'ici avec Dumas pour Bruxelles, d'où je comptais revenir directement à Paris. Mais cette nouvelle Athènes me semble dépasser le Dahomey en férocité et en bêtise. Il faut que la Révolution française cesse d'être un dogme et qu'elle rentre dans la science comme le reste des choses humaines. Mais non, toujours des rengaines, toujours la blague. Voilà maintenant la Commune de Paris qui en revient au pur Moyen-Âge. C'est carré. Beaucoup de conservateurs appellent dans leur cœur les Prussiens. Les gens de l'hôtel de ville ont déplacé la haine. C'est de cela que je leur en veux. Nous sommes ballottés entre la Société de Saint-Vincent-de-Paul et l'Internationale. Mais cette dernière fait trop de bêtises pour avoir la vie longue. Si elle est vaincue, la réaction sera furieuse et toute liberté étranglée. Que dire des socialistes qui imitent les procédés de Guillaume ? Réquisition, suppression des journaux, exécution capitale sans jugement, etc. Ah, quelle bête immonde que la foule ! Qu'il est humiliant d'être homme. Votre vieux troubadour. Croisset, 24 avril, lundi soir. Cher maître, pourquoi pas de lettres ? J'espère bien que vous n'êtes pas à Paris. Savez-vous le pire de tout cela ? C'est qu'on s'y habitue. Oui, on s'y fait. On s'accoutume à se passer de Paris, à ne plus s'en soucier, et presque à croire qu'il n'existe plus. J'en ai gros sur le cœur, je vous le jure. Et la petite réaction que nous allons avoir après cela, comme les bons ecclésiastiques vont refleurir. Je me suis remis à Saint-Antoine, et je travaille violemment. Écrivez-moi donc, je vous embrasse bien fort. Nohant, 28 avril 1871. Non, certes, je ne t'oublie pas. Je suis triste, c'est-à-dire que je m'étourdis, je regarde le printemps, je m'occupe comme si de rien n'était. Je ne veux pas être découragé, je ne peux pas renier le passé et redouter l'avenir. Voilà pourquoi je ne voulais pas t'écrire avant de me sentir mieux. Il y a longtemps que j'ai accepté la patience, comme on accepte le temps qu'il fait, la durée de l'hiver, la vieillesse, l'insuccès sous toutes ses formes. Mon chagrin vient d'une pure faiblesse de cœur que je ne sais pas vaincre. Je plains ceux qui font le mal. Mais je ne voulais pas te parler de cela, tu en rougis bien assez. Tu ne me dis pas comment tu as retrouvé ton charmant nid de Croisset. Les Prussiens l'ont occupé. Ont-ils respecté ton nom, ton atelier de travail ? Ah, que je voudrais te voir. Mais on n'a plus le moyen d'aller et venir. Nous t'embrassons tous et nous t'aimons. Croisset, 30 avril. Cher maître, non. Les Prussiens n'ont pas saccagé mon logis. Quant à mon cabinet, il a été respecté. Le pire de l'invasion, pour moi, c'est qu'elle a vieilli de 10 ans ma pauvre bonne femme de mère. Comme c'est triste de voir les êtres qu'on chérit se dégrader peu à peu. Votre lettre de ce matin m'a attendri. Quel fier bonhomme vous faites et quel immense cœur vous avez. Je ne suis pas comme beaucoup de gens que j'entends se désoler sur la guerre de Paris. Je la trouve plus tolérable que l'invasion. Ah, Dieu merci, les Prussiens sont là, et le cri universel des bourgeois. Nous allons devenir un grand pays plat et industriel, comme la Belgique. La disparition de Paris, comme centre de gouvernement, rendra la France incolore et lourde. Elle n'aura plus de cœur, plus de centre, et je crois plus d'esprit. Je vous embrasse bien fort, votre vieux. Croisset, 11 juin, dimanche soir. Cher maître, jamais je n'ai eu plus envie, plus besoin de vous voir que maintenant. J'arrive de Paris et je ne sais à qui parler, j'étouffe. Je suis accablé, ou plutôt écœuré. L'odeur des cadavres me dégoûte moins que les miasmes d'égoïsme s'exhalant par toutes les bouches. La vue des ruines n'est rien auprès de l'immense bêtise parisienne. À de très rares exceptions près, tout le monde m'a paru foilier. Une moitié de la population a envie d'étrangler l'autre qui lui porte le même intérêt. Cela se lit clairement dans les yeux des passants. Et les Prussiens n'existent plus. On les excuse et on les admire. Les gens raisonnables veulent se faire naturaliser allemands. Je vous assure que c'est à désespérer de l'espèce humaine. J'étais à Versailles jeudi. La droite fait peur par ses excès. Adieu. Donnez-moi de vos nouvelles. Je vous embrasse bien fort ainsi que les vôtres, votre vieux troubadour. Nohant, 14 juin. Tu as envie et besoin de me voir et tu ne viens pas. Moi, je ne peux pas bouger, je n'ai pas le sou et il faut que je travaille comme un nègre. Ah, mon ami, quelles années nous passons là. C'est à n'en pas revenir, car l'espérance s'en va avec le reste. Moi qui ai tant de patience avec mon espèce et qui ai si longtemps vu en beau, je ne vois plus que ténèbres. Et voilà que je m'éveille d'un rêve pour trouver une génération partagée entre le crétinisme et le délirium très mince. C'est pourtant mal de désespérer. Je ferai un grand effort, et peut-être même me trouverai-je équitable et patiente. Mais à présent, je ne peux pas. Je suis aussi troublée que toi, et je n'ose ni parler, ni penser, ni écrire, tant je crains d'aviver les plaies béantes de toutes les âmes. J'ai bien reçu ton autre lettre, et j'attendais le courage d'y répondre. Je ne voudrais faire que du bien à ceux que j'aime, à toi surtout, qui sens si vivement. Je ne vaux rien en ce moment, j'ai une indignation qui me dévore et un dégoût qui m'assassine. Je t'aime, voilà tout ce que je sais. Paris, 25 juillet. Je trouve Paris un peu moins affolé qu'au mois de juin, à la surface du moins. On commence à haïr la Prusse d'une façon naturelle, c'est-à-dire qu'on rentre dans la tradition française. Je crois comme vous que la République bourgeoise peut s'établir, son manque d'élévation est peut-être une garantie de solidité. C'est la première fois que nous vivons sous un gouvernement qui n'a pas de principe. L'ère du positivisme en politique va peut-être commencer. Je ne vais pas à Nohant parce que je n'ose plus maintenant m'éloigner de ma mère. Ma nièce Caroline se relaie avec moi pour soutenir ce cher et pénible fardeau. Dans une quinzaine, je serai revenu à Croisset. Du 15 au 20 août, j'y attends le bon Tourguenieff. Vous seriez bien gentil de lui succéder, cher maître. Je dis succéder car nous n'avons qu'une chambre de propre depuis le séjour des Prussiens. Voyons, un bon mouvement. Venez au mois de septembre. Je vous embrasse très fort. Nohant, 6 septembre. Où es-tu, mon vieux troubadour? Je ne t'écris pas, je suis toute troublée dans le fond de l'âme. Ça passera, j'espère. Mais je suis malade du mal de ma nation. Je sens les grandes attaches relâchées et comme rompues. Il me semble que nous nous en allons tous je ne sais où. As-tu plus de courage que moi? Donne-m'en. Croisset, 6 septembre, mercredi soir. Eh bien, cher maître, il me semble qu'on oublie son troubadour. Comme il y a longtemps que je n'ai vu vos bonnes grosses lignes, je voudrais bien vous lire Saint-Antoine, qui en est à sa première moitié, puis m'épandre et rugir à vos côtés. Quelqu'un qui sait que je vous aime m'a apporté un numéro du Gaulois où se trouvaient des fragments d'un article de vous sur les ouvriers, publié dans Le Temps. Comme c'est ça! Comme c'est juste et bien dit! Pauvre France! Et on m'a accusé d'être sceptique. Que dites-vous de Mademoiselle Papavoine, une pétroleuse qui a subi au milieu d'une barricade les assauts de 18 citoyens? Cela enfonce la fin de l'éducation sentimentale où on se borne à offrir des fleurs. Est-on bête? Mais ce qui dépasse tout maintenant, c'est le parti conservateur qui ne va même plus voter. Dans 10 ans, monsieur, la commune sera établie partout. Et la réponse, ou plutôt le gémissement universel. C'est pourquoi je me perds tant que je peux dans l'Antiquité. Pourquoi publier? Qui donc s'inquiète de l'art maintenant? Je fais de la littérature pour moi, comme un bourgeois tourne des rondes serviettes dans son grenier. Vous me direz qu'il vaudrait mieux être utile, mais comment l'être? Comment se faire écouter? Adieu, cher bon maître, Je vous embrasse bien fort. Votre vieux. Nohant, 8 septembre. Comme de coutume, nos lettres se sont croisées. Tu dois recevoir aujourd'hui les portraits de mes fillettes. Tu vois que je suis indignée, hélas, sans pouvoir haïr ni le genre humain, ni notre pauvre cher pays. Mais on sent trop d'impuissance où l'on est de lui remonter le cœur et l'esprit. On travaille quand même, ne fût-ce que pour faire, comme tu dis, des rondes serviettes. Je ne peux pas aller te voir, cher vieux. Je ne peux pas quitter le home pour toutes sortes de raisons trop longues à dire. Me voilà si vieille. Je me figure que je ne peux qu'ennuyer les autres. Je t'embrasse comme je t'aime, et mon monde aussi. Croisset 8 septembre. Ah, comme elles sont gentilles, quels amours, quelles bonnes petites têtes sérieuses et douces. Cela s'appelle une attention délicate, cher maître, et je vous en remercie bien. Pourquoi êtes-vous si triste? L'humanité n'offre rien de nouveau. Son irrémédiable misère m'a rempli d'amertume dès ma jeunesse. Aussi maintenant n'ai-je aucune désillusion. Je crois que la foule, le nombre, le troupeau sera toujours haïssable. Il n'y a d'important qu'un petit nombre d'esprits, toujours les mêmes, et qui se repassent le flambeau. Pourquoi sentez-vous les grandes attaches rompues? Qu'y a-t-il de rompu? Vos attaches sont indestructibles. Notre ignorance de l'histoire nous fait calomnier notre temps. On a toujours été comme ça. Quelques années de calme nous ont trompés, voilà tout. Moi aussi, je croyais à l'adoucissement des mœurs. Il faut rayer cette erreur et ne pas s'estimer plus qu'on ne s'estimait du temps de Périclès ou de Shakespeare, époques atroces où on a fait de belles choses. Dites-moi que vous relevez la tête et pensez quelquefois à votre vieux troubadour qui vous chérit. Nohant, 16 septembre. Cher vieux, je te répondais avant-hier et ma lettre a pris de telles proportions que je l'ai envoyée comme feuilleton au temps pour la prochaine quinzaine, car j'ai promis de leur donner 2 feuilletons par mois. Cette lettre à un ami ne te désigne pas même par une initiale, car je ne veux pas plaider contre toi en public. Tu verras que mon chagrin fait partie de moi et qu'il ne dépend pas de moi de croire que le progrès est un rêve. Sans cet espoir, personne n'est bon à rien. Laisse-moi souffrir, va. Ça vaut mieux que de voir l'injustice avec un visage serein, comme dit Shakespeare. Quand j'aurai épuisé ma coupe d'amertume, je me relèverai. Croisset 7 octobre, samedi. Cher maître, j'ai reçu votre feuilleton hier. Le milieu de votre article m'a fait verser un pleur, sans me convertir, bien entendu. J'ai été ému, voilà tout, mais non persuadé. Je cherche chez vous un mot que je ne trouve nulle part. Justice. Et tout notre mal vient d'oublier absolument cette première notion de la morale, et qui, selon moi, comporte toute la morale. Ce qu'il nous faut avant tout, c'est une aristocratie naturelle. C'est-à-dire légitime, on ne peut rien faire sans tête. Et le suffrage universel tel qu'il existe est plus stupide que le droit divin. La masse, le nombre, est toujours idiot. Je n'ai pas beaucoup de convictions, mais j'ai celle-là fortement. Je ne crois pas plus que vous aux distinctions de classe. Je crois que les pauvres haïssent les riches et que les riches ont peur des pauvres. Cela sera éternellement. Prêcher l'amour aux uns et aux autres est inutile. Tout le rêve de la démocratie est d'élever le prolétaire au niveau de la bêtise du bourgeois. Le rêve est en partie accompli. Il lit les mêmes journaux et a les mêmes passions. L'instruction primaire nous a donné la commune. Son ministre de l'instruction publique était le grand Vallès, qui se vantait de mépriser Homer. J'apprends aujourd'hui que la masse des Parisiens regrette l'empereur. Un plébiscite se prononcerait pour lui, je n'en doute pas, tant le suffrage universel est une belle chose. Cependant, je ne suis pas découragé comme vous, et le gouvernement actuel me plaît parce qu'il n'a aucun principe, aucune métaphysique, aucune blague. Je m'exprime très mal. Vous méritez pourtant une autre réponse. Votre vieux troubadour. Nohant, 25 octobre. Tes lettres tombent sur moi comme une pluie qui fait pousser tout de suite ce qui est en germe dans le terrain. Elles me donnent l'envie de répondre à tes raisons, parce qu'elles sont fortes et poussent à la réplique. Ne ris pas des principes d'enfant très candides qui me sont restés à travers l'Elia et l'époque romantique. Aimer, se sacrifier, ne se reprendre que quand le sacrifice est nuisible à ceux qui en sont l'objet, et se sacrifier encore, dans l'espoir de servir une cause vraie, l'amour. Je ne parle pas ici de la passion personnelle, mais du sentiment étendu de l'amour de soi, de l'horreur du moi tout seul. Et cet idéal de justice dont tu parles, je ne l'ai jamais vu séparé de l'amour, puisque la première loi pour qu'une société naturelle subsiste, c'est que l'on se serve mutuellement, comme chez les fourmis et les abeilles. J'ai traversé des révolutions et j'ai vu de près les principaux acteurs. J'ai vu le fond de leur âme, je devrais dire tout bonnement le fond de leur sac. Pas de principe. Aussi pas de véritable intelligence, pas de force, pas de durée. Rien que des moyens et un but personnel. Un seul avait des principes, pas tous bons, mais devant la sincérité desquels il comptait pour rien sa personnalité. Barbès. Chez les artistes et les lettrés, je n'ai trouvé aucun fond. Tu es le seul avec qui j'ai pu échanger des idées autres que celles du métier. Je ne sais pas si tu étais au dîner chez Magny, un jour où je leur ai dit qu'ils étaient tous des messieurs. Ils disaient qu'il ne fallait pas écrire pour les ignorants. Ils me conspuaient parce que je ne voulais pas écrire que pour ceux-là, vu qu'eux seuls ont besoin de quelque chose. Les maîtres sont pourvus, riches et satisfaits. Les imbéciles manquent de tout, je les plains. Aimer et plaindre ne se séparent pas. Et voilà le mécanisme peu compliqué de ma pensée. Je plains l'humanité. Je la voudrais bonne, parce que je ne veux pas m'abstraire d'elle, parce qu'elle est moi, parce que le mal qu'elle se fait me frappe au cœur, parce que sa honte me fait rougir, parce que ses crimes me tordent le ventre, parce que je ne peux comprendre le paradis au ciel ni sur la terre pour moi toute seule. Tu dois me comprendre, toi qui es bonté de la tête aux pieds. Je t'embrasse. C'était le quatrième épisode de Gustave Flaubert, George Sand, Correspondance. En direct du studio 118 de la Maison de la Radio. Avec Olivier Clabrie, Gustave Flaubert, Chantal Neuwirth, George Sand et la voix de Leslie Lipkins. Musique originale et piano, Quentin Sirjac. Adaptation, Hélène Bleskin. Conseillère littéraire, Catel Guillou. Remerciements à Anne-Lise Signoret pour la documentation. Prise de son, montage et mixage, Claire Levasseur, Manon Houssin. Assistante à la réalisation, Julie Briand. Réalisation, Laurence Courtois.